Jones, a genius player. Tête pleine de problèmes, là j'pète les plans. Si tu tiens pas tes promesses, je coupe les pans. Ils ont cru que j'dormais, ils ont joué les cons. Y'a vraiment peu de vaillants qui ont fait les cons. RS4, j'suis comme un rescapé. Vais les stats, j'remplis les stats. Flow en stock, on lâche pas le step. Que j'fais du tool, quand j'suis pas les steaks. C'est pour ceux enfermés au chemin de mort, you. C'est pour les crapules qui sont partis de rien, qui font des gros sous. La moitié de ma vie dans la rue, l'autre sur Pro Tools. J'suis pas bien là, j'crois j'vais rallumer le pétou. Je le veux le Kawasaki. À 7 mondes sur la selle, j'te démaquille. C'est le G, le J, c'est bande organisée qui a quorum de be dans la galerie. Ça fume un pet, deux pets, et ça lève le compète. Ça peut partir à bouquette, à rallye, j'me dis enquête. L2 à 7, promenade en claquette, opinion dans le survette. Chaque mois fait la recette. Ok, elle est magnifique, minuit passée, elle est magnifique. La visière fumée, j'mets le mode d'arpène comme bien c'est électrique. Ok, elle est magnifique, minuit passée, elle est magnifique. La visière fumée, j'mets le mode d'arpène comme bien c'est électrique. Arrête-toi la PAE que j'emprène. 24 très organisé, tout sous bébé, ça fait plaisir dans les enceintes. Un petit verre de mojito, un transat, elle me casse pas les coronaises. Garinja m'a dit, vas-y, on va faire le glitch pour qu'ils reconnaissent. Et la mise me dit, c'est quand que tu me sers, wesh. J'suis pas ton barman. Plein de machins dans le zen, zen taille sur le nez, c'est un putain de famasse. Des fois ça rapprenne, tu connais, mais jamais ça rapprenne rien. Des fois ça fume la beuh, en avoir les mêmes moites comme une vieille. Drôle de bordel, oh my god, j'ai la barre au doigt, et elle m'accoste. Le couloir Rihanna, les jambes d'Adriana, les fesses de Pamela. Flec de Gomorra, à la Totorina, la Cessa Montana. Ouais, Pentejo. Vatos locos, on perd plein d'euros pour le blocos. Ouais, Pendejo. Vatos locos, on perd plein d'euros pour le matou. On est en boîte organisée, j'espère que t'as analysé. Ça fume la moula matrice, le secteur est miné. On est en boîte organisée, j'espère que t'as analysé. Ça fume la moula matrice, le secteur est miné. Le cartel, les scalpels et la mer. Elle est fraîche au soleil, je l'emmène. Des nuits blanches, du filtre et du papel. Je dors plus, elle rend fou, je la tête. J'suis là, j'disparais. Manie t'es trop gang, à ce qui paraît. J'suis là, j'disparais. Manie t'es trop gang, à ce qui paraît. Laissez passer, mauvais garçon. Laissez passer, mauvais garçon. Croyez pas en nous, mais il faut croire en soi. Vaut mieux goûter la boue avant de goûter la soie. Je remercie les jaloux qui m'ont causé du tort. D'un côté c'est grâce à vous, ouais ça m'a rendu plus fort. Ils croyaient pas en nous, mais il faut croire en soi. Vaut mieux goûter la boue avant de goûter la soie. Je remercie les jaloux qui m'ont causé du tort. D'un côté c'est grâce à vous, ouais ça m'a rendu plus fort. Je t'ai fait dans le sang, que ça fait du TP. Ça remplit les DD, que ça fait des sessions. Hola, un pet, un flash d'alcool. Pour tous mes frères en cabane, devant Hazi, les banales. Aha, direct, on cavale. J'suis avec tous mes carnals. Tire deux, trois barres de commande. Tu finis dans le coma. J'arrive en pétard normal. Plein d'affaires bizarres, normal. J'ai envie de me faire la malle. Emballer. Y'a des gros vides sur le pas mal. J'le sors sans promo normal. J'ai envie de me faire la malle. C'est Tonino, je suis de retour, alléluia. Frais comme un RR 1000 roya. On a les épaules solides et les crouillards. Ma bouche sent le muscle par la mouilla. J'parle toujours avec le corazon. La zone a fait de nous des mauvais garçons. Les pieds dans la caille et les 4 saisons. J'aurais dû partir avant, mère avait raison. Et j'ai traîné. Mon cœur a trop traîné dans le noir. Entraîné, j'suis pas en train de me. J'espère que t'as analysé. ça fume la moula matrice. Le secteur est miné, on est en voie d'organiser.